بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس 36 في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام باب صفة الصلاة. Bienvenue au MIFKA pour ce 36e cours dans l'explication du chapitre de la prière tiré du livre Umdat al-Ahkam, le sous-chapitre, la description de la prière. Wa nukmilu al-yawm ma tabaqqa min hadithi Abi Hurayrata radiyallahu anhu. On continue aujourd'hui ce qu'il nous reste à aborder concernant le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel Abu Huraira donc a citer les différents moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait les takbirat, le fait de dire Allahu Akbar durant la prière. Wa kulna innana al-yawm sanuraji'u mas'alatan qad akhadnaha sabiqan. On a dit qu'aujourd'hui on va réviser un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Ala wa hiya mas'alat at-tasmi' lil-ma'moum. Ce sujet est le sujet de at-tasmi', le fait que le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, est-ce qu'il doit dire sami'a Allahu liman hamida? Donc on est en état d'inclinaison, l'imam il se lève, il dit sami'a Allahu liman hamida. Est-ce que ceux qui prient derrière l'imam, est-ce qu'ils doivent dire سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ou est-ce qu'ils doivent dire juste رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. اختلف العلماء. On avait dit quoi? On avait dit رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Sûr? On avait dit ça à Abou Bakr? Sûr? Tu penses pas, hein? On doit dire les deux. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. الجمع. طيب ذهب الجمهور إلى أن المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. La majorité des savants, ils voient que celui qui prie derrière l'imam, il se suffit de dire ربنا ولك الحمد. Pas besoin de dire سمع الله لمن حمده. دليلهم. Quelle est leur preuve? Le hadith durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Alors lorsque l'imam dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, alors dites رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. فَقَالُوا النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam لَمْ يَأْمُرْ الْمَأْمُومِينَ بِقَوْلِهِمْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Et donc ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à ceux qui prient derrière l'imam de dire « Sami'a Allahu liman hamida » mais il leur a dit de dire « Rabbana wa lakal hamd ». El qawlu thani, wa huwa qawlu nusiba ila shafi'i rahimahullah, annahu yajibu al-jam'u bayna al-amrayn. Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Le deuxième avis qui a été attribué à l'imam al-shafi'i rahimahullah est de dire سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Quelles sont les preuves? الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرت صفة صلاته أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. Et donc les preuves, ce sont tous les ahadith qui nous citent la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Car quand il priait sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd ». Et c'est lui qui nous a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Priez comme vous m'avez vu prier. Donc si on prie comme on l'a vu prier, on va dire « Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd ». Wa aidan, qaluhu sallallahu alayhi wa sallam, « Ju'ila l'imamu liyu'tamma bih ». Certes, l'imam a été placé pour être suivi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, hauna al-qawlan. Donc nous avons ici les deux avis. Wa qulna inna ar-rajih أن المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. On a dit que la vie le plus juste est que le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, il lui suffit de dire Rabbana wa lakal hamd. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, priez comme vous m'avez vu prier. C'est lui qui nous a dit ça. Taïb, on va dire, hadha ammum makhsous. C'est une parole qui est générale, qui a été spécifiée dans certains cas. On avait vu plusieurs exemples sur ça. Exemple. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال لنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Le prophète nous a ordonné, il nous a dit, lorsque vous entendez le muadhin, alors dites comme il dit. Tout à l'heure, Ali s'est levé, il a fait l'adhan. Ou non? Abdesalam. C'était Abdesalam, il a fait l'adhan. Alors, ceux qui ont entendu, ils ont répété ce que Abdesalam il a dit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taïb, lorsque Abdesalam il a dit Hayya ala salat, est-ce que vous avez dit Hayya ala salat? Là. Taïb, le prophète il nous a dit, dites comme il a dit. Pourquoi? Parce que ça c'est une parole qui est générale. Dites comme dit le muadhin. Mais il y a d'autres hadiths qui vont citer, qui vont donc rendre cette parole spécifique dans certains cas. Donc on a une parole générale, mais qui ne va pas être appliquée dans certains cas. C'est ça qu'on appelle tarsis ou l'am en arabe. Et donc, ici dans la salat, c'est la même chose. On a une parole qui est générale, mais qui ne va pas être appliquée dans certains cas parce que c'est un cas spécifique. On dit quoi? C'est un cas spécifique, l'imam salla khalf al-imam. C'est un cas spécifique pour celui qui prie derrière l'imam. وهذا القول هو اختيار العلمتين Ibn Baz ou Ibn al-Uthaymeen rahimahum Allah. Et donc c'est cet avis et l'avis aussi qu'a choisi donc les deux grands savants Ibn Baz et Ibn al-Uthaymeen rahimahum Allah. C'est bon? طيب. ويستفاد من هذا الحديث ايضا حرص الصحابه على التعلم وتبليغ الدين. On profite aussi de ce hadith durant lequel il nous décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel moment il disait Allahu Akbar, etc. Là, on profite et on apprend de ce hadith l'importance que les sahaba, les compagnons, ils accordaient à l'apprentissage de la religion et au fait de transmettre. يَحْرِصُونَ عَلَى كُلِّ مَا يَنْفَعُهُمْ فِي الدَّارَيْنِ. Ils s'efforcent de faire tout ce qui leur est profitable dans les deux résidences, ici-bas et dans l'au-delà. Voilà comment ils étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, on doit être, nous efforcer d'apprendre tous les jours notre religion. On sait que c'est pas tout le monde qui a la capacité de s'asseoir 12 heures, apprendre, mémoriser, lire, chercher. Taïb, est-ce que tu peux faire 10 minutes dans ta journée? 15 minutes, tu te poses, tu apprends ta religion. Alhamdulillah. Et donc, chacun avance un peu en fonction de sa capacité. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester comme ça. Tu passes une journée entière, tu n'as rien appris. Tu t'es levé, tu vas te coucher, tu n'as rien appris. Ça, c'est une perte. C'est une perte. Efforce-toi chaque jour d'apprendre, ne serait-ce qu'un petit truc. L'explication d'un verset, l'explication d'un hadith. Efforce-toi chaque jour d'apprendre un tout petit peu, Inch'Allah ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى صلاته أخذ بيد عمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite l'auteur Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah, il nous cite un autre hadith selon donc Mutarrif ibn Abdillah qui nous dit qu'il a prié. Donc Mutarrif, c'est un tabi'i rahimahullah. Il nous dit qu'il a prié avec Imran ibn Hussein, sahabi radiallahu anhu. Ils ont prié tous les deux derrière Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et Ali, à chaque fois donc qu'il se prosternait, il faisait le takbir, il disait Allahu Akbar. Et lorsqu'il se levait, il disait Allahu Akbar. Et lorsqu'il se levait donc de l'assise après les deux premières unités, il disait Allahu Akbar. Et lorsqu'il a fini sa prière, alors, et donc là, Mutarrif il nous dit, lorsque Ali a fini sa prière, Imran ibn Hussein m'a tenu par la main et m'a dit, celui-ci m'a rappelé la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors il a dit, il a prié avec nous de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. هذا الحديث دليل لما ذكرناه سابقا الا وهو اتمام التكبير. Et donc ce hadith est une preuve pour ce qu'on a cité précédemment hier, c'est-à-dire que on doit prononcer le takbir donc plusieurs fois durant la prière. Ce n'est pas que quand tu commences la prière que tu prononces le takbir. Ce sujet on l'a développé hier, on ne revient pas dessus aujourd'hui. Il y a un autre point que je voudrais aborder concernant ce hadith. Imran ibn Hussein, sahabi, أخذ بيد مطرف. Imran ibn Hussein, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la main de مطرف. Il a pris par la main. وهذا ليس في شيء. Il n'y a pas de mal en ça. Il n'y a rien de mal en ça. ولكن نحن لكوننا تأثرنا بمن حولنا نرى المعروف منكرا. Malheureusement, nous, à cause du fait que nous avons été influencés par cette société qu'il y a autour de nous, nous voyons le bien comme un mal. Aujourd'hui, un homme en France, il tient son frère parce qu'il l'aime, il le tient par la main. Les gens vont regarder, ils vont critiquer. Oh, subhanallah. J'ai vu Ali prendre les mains d'Abdessalam. Allahu Akbar. Et les gens vont aller imaginer, faire et faire, comme s'il y avait un mal en cela. Notre religion, elle nous appelle à nous aimer mutuellement et à montrer à nos frères qu'on s'aime. Un homme a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Inni uhibbu fulanan »« Certes, j'aime un tel. » Le prophète lui a dit « A'lamtahu ? » « Est-ce que tu lui as informé du fait que tu l'aimes ?»« Qu'on est là, qu'on est fait a'linhu. » Le prophète lui a dit « Alors informe-le. » Il est allé, il lui a dit « Inni uhibbuka fillah. » Certes, je t'aime pour Allah. Il n'y a rien de mal en ça, mais c'est à nous de corriger notre mauvaise compréhension, notre dureté mal placée. Il est important de corriger cette mauvaise compréhension, les frères. Et donc, il est important, les frères, qu'on soit capable de montrer à nos frères que on les aime. Jazakumullahu khairan. Le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, inshallah ta'ala, an al-Bara ibn Azib, qala ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fa wajadtu qiyamahu fa rak'atahu fa i'tidalahu ba'da ruku'ihi fa sajdatahu fa jalsatahu ma bayna at-taslim wal-insiraf qariban min as-sawa. وفي رواية للبخاري ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. Et donc le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'auteur qui nous dit, donc selon le Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qui dit: j'ai bien observé la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai vu que sa station debout ainsi que son inclinaison et le fait qu'il se remette debout après l'inclinaison, et ainsi que sa prosternation, et son assise, l'assise qu'il a après la prosternation, et son assise qu'il a donc entre le taslim et la prosternation, tout ce qui a été cité là, proche, donc sont presque semblables. La station debout du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-rukour, donc le fait qu'il se lève après le rukour, tout cela, il nous dit donc que c'est presque semblable. Et dans une narration, tout cela, sauf la station debout et la station assise, le tashahhud. Presque semblable. C'est-à-dire que هذا الحديث يدلنا على طول الركوع والسجود والاعتدال. Ce hadith-là, il nous montre le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il restait longtemps en inclinaison, longtemps en prosternation, longtemps debout après avoir fait l'inclinaison. Et ça, c'est une sunna. C'est une sunna, les frères, qu'il faut qu'on essaie d'appliquer. Et cette sunna, il y a peu de personnes qui œuvrent avec, à notre époque. Parce qu'on veut finir la prière le plus vite que possible. Il y a peu de personnes qui vont œuvrer avec cette sunna à notre époque. Bel fizemani etzbe'i tabi'in. À l'époque, donc la troisième génération, même à la troisième génération, cette sunna-là avait déjà commencé à être délaissée. Pourquoi ? Comme on le voit clairement dans le hadith que l'auteur il nous cite après. Le hadith que l'auteur il nous cite après, il nous dit donc An Thabit al-Budani An Anasin qol inni la alu an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bina. Et donc selon Thabit al-Budani, selon Anas ibn Malik, donc Anas ibn Malik le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est resté 10 ans à servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Anas, certes, je ne fais pas preuve de négligence lorsque je prie avec vous en vous montrant comment le prophète il priait. La aloubikum, la ukassir, je ne fais pas preuve de négligence. Je m'efforce de vous montrer le mieux que possible la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qal Thabit. Thabit, celui qui rapporte cette parole de Anas, il nous dit كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. Anas, il faisait quelque chose et je ne vous vois pas le faire. Ça, c'était encore les premières générations de l'islam, c'est pas notre époque. Il dit Anas, il faisait quelque chose et je ne vous vois pas le faire. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. Lorsque Anas, il se levait après l'inclinaison, il restait debout à tel point que un individu pouvait dire, certes, Anas, il a oublié. Anas, il s'est levé après l'inclinaison, après, donc il reste debout, ensuite il faut se prosterner. Mais il restait tellement longtemps que il se peut que quelqu'un dise, Anas, il a oublié. Anas, il a oublié. Ensuite, il continue, il nous dit, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِي. Et aussi Anas, lorsqu'il se levait après la prosternation, donc lorsqu'il était assis entre les deux prosternations, il restait à attendre à tel point qu'on puisse dire, certes, il a oublié. Certes, il a oublié. Méditez sur la parole d'Anas, lorsqu'il nous dit, je ne fais pas preuve de négligence lorsque je vous cite la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَهَذِهِ صَلَاتُ رَسُولِ اللَّهِ. Ceci est la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَوْ صَلَّيْنَا بِهَذِهِ التَّارِقَ الْيَوْمِ مَذَا يَحْسُولُ. Si on prie aujourd'hui de cette façon, qu'est-ce qui va se passer? Faut faire attention. Et donc, لَا شَكَّ أَيُّهَا الْإِخْوَى أَنَّ الْإِمَامِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ أَحْوَالَ النَّاسِ وَضَعْفَهُمْ. Et donc, les frères, il n'y a nul doute que l'imam, il doit faire attention à la situation des gens, ainsi que leur faiblesse. Il y a des gens qui sont plus âgés que d'autres. Il y a des gens qui doivent aller travailler. L'imam doit faire attention à cela. وَلَكِنَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَهِدُوا لِيُطَبِّقُوا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Cependant, les gens, eux aussi, ils doivent s'efforcer pour appliquer cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Si quand on est à la mosquée, on ne peut pas forcément prier longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble, certains doivent aller travailler, etc. Lorsque tu es chez toi, c'est juste toi, tes enfants, ta famille, et que tu veux prier, alors à ce moment-là, efforce-toi d'appliquer ce genre de sunnah. Efforce-toi d'appliquer cela. Jusqu'à ce que les gens prennent l'habitude